Fadi, je sais pas si tu m'as entendu tout à l'heure, mais là, tu arrives avec ton rock'n'roll, tu écoutes même pas ce qui se passe. Donc, c'est soit tu vas jouer avec des rockers, ou tu écoutes ce qui se fait dans le salon. Merci. Je l'ai muté. Ok. Non, mais en fait, tu pourris les enregistrements. It's a real creep. Thank you. Thank you. Stones. Magnifico. Arigato. Pikachu. Ayen Masayana. Sorry, that's Korean. Que j'aime, elle vient de là, elle vient. blues. Mélado. To kill me? Thank you. Foxy, écoltare Massimo. Thank you. Thank you.